Livre quatrième, chapitre 1. Les bonnes âmes. Il y avait 16 ans, à l'époque où se passe cette histoire, que par un beau matin de dimanche de la Quasimodo, une créature vivante avait été déposée après la messe dans l'église de Notre-Dame. Sur le bois de lys scellé dans le parvis à main gauche, vis-à-vis ce grand image de Saint Christophe, que la figure sculptée en pierre de Messire Antoine des Essarts, chevalier, regardait à genoux depuis 1413, lorsqu'on s'est avisé de jeter à bas et le saint et le fidèle. C'est sur ce bois de lit qu'il était d'usage d'exposer les enfants trouvés à la charité publique. Les prenait là qui voulait. Devant le bois de lit était un bassin de cuivre pour les aumônes. L'espèce d'être vivant qui gisait sur cette planche le matin de la Quasimodo en l'an du Seigneur 1467 paraissait exciter à un haut degré la curiosité du groupe assez considérable qui s'était amassé autour du bois de lit. Le groupe était formé en grande partie de personnes du beau sexe. Ce n'étaient presque que des vieilles femmes. Au premier rang, et les plus inclinées sur le lit, on en remarquait 4 qu'à leur cagoule grise, sorte de soutane, on devinait attachée à quelque confrérie dévote. Je ne vois point pourquoi l'histoire ne transmettrait pas à la postérité les noms de ces 4 discrètes et vénérables demoiselles. C'était Agnès la Herme, Jehanne la Tarme, Henriette la Gautière, Gauchère la Violette. Toutes 4 veuves, toutes 4 bonnes femmes de la chapelle Étienne-Audry, sorties de leur maison avec la permission de leur maîtresse et conformément au statut de Pierre d'Ailly pour venir entendre le sermon. Du reste, si ces braves Audriettes observaient pour le moment les statuts de Pierre d'Ailly, elles violaient, certes à cœur joie, ceux de Michel de Brache et du cardinal de Pise, qui leur prescrivaient, si inhumainement, le silence. « Qu'est-ce que c'est que cela, ma sœur ? » disait Agnès Gauchère, en considérant la petite créature exposée, qui glapissait et se tordait sur le lit de bois, tout effrayée de tant de regards. « Qu'est-ce que nous allons devenir ? » disait Jehanne, « si c'est comme cela qu'ils font les enfants à présent. » « Je ne me connais pas en enfant, » reprenait Agnès, « mais ce doit être un péché de regarder celui-ci. »« Ce n'est pas un enfant, Agnès, c'est un singe manqué, » observait Gauchère. « C'est un miracle, » reprenait Henriette la Gautière. « Alors, remarquait Agnès, c'est le 3e depuis le dimanche du Laétard, car il n'y a pas 8 jours que nous avons eu le miracle du moqueur de pèlerins, puni divinement par Notre-Dame d'Aubervilliers. » Et c'était le second miracle du mois. C'est un vrai monstre d'abomination que ce soi-disant enfant trouvé, reprenait Jehanne. Il braille à faire sourd un chantre, poursuivait Gauchère. Tais-toi donc, petit hurleur. Dire que c'est monsieur de Reims qui envoie cette énormité à monsieur de Paris, ajoutait la Gautière en joignant les mains. J'imagine, disait Agnès la Herme, que c'est une bête, un animal, le produit d'un juif avec une truie. « Quelque chose, enfin, qui n'est pas chrétien, et qu'il faut jeter à l'eau ou au feu. »« J'espère bien, reprenait la Gautière, qu'il ne sera postulé par personne. »« Ah, mon Dieu !» s'écriait Agnès. « Ces pauvres nourrices qui sont là dans le logis des enfants trouvés, qui fait le bas de la ruelle en descendant la rivière, tout à côté de Monseigneur l'évêque. Si on allait leur apporter ce petit monstre à allaiter, oh, j'aimerais mieux donner à téter à un vampire. » « Est-elle innocente, cette pauvre la Herme ?» reprenait Jehanne. « Vous ne voyez pas, ma sœur, que ce petit monstre a au moins 4 ans et qu'il aurait moins appétit de votre tétin que d'un tournebroche. » En effet, ce n'était pas un nouveau-né que ce petit monstre. Nous serions fort empêchés nous-mêmes de le qualifier autrement. C'était une petite masse fort anguleuse et fort remuante, emprisonné dans un sac de toile imprimé aux chiffres de Messire Guillaume Chartier pour l'or évêque de Paris, avec une tête qui sortait. Cette tête était chose assez difforme. On n'y voyait qu'une forêt de cheveux roux, un œil, une bouche et des dents. L'œil pleurait, la bouche criait et les dents ne paraissaient demander qu'à mordre. Le tout se débattait dans le sac, au grand ébahissement de la foule, qui grossissait et se renouvelait sans cesse alentour. Dame Aloïse de Gondelaurier, une femme riche et noble, qui tenait une jolie fille d'environ 6 ans à la main et qui traînait un long voile à la corne d'or de sa coiffe, s'arrêta en passant devant le lit et considéra un moment la malheureuse créature, pendant que sa charmante petite fille, Fleur de Lys de Gondelaurier, toute vêtue de soie et de velours, épelait avec son joli doigt l'écriteau permanent accroché au bois de lit. Enfant-trouvé. En vérité, dit la dame en se détournant avec dégoût, je croyais qu'on n'exposait ici que des enfants. Elle tourna le dos en jetant dans le bassin un florin d'argent qui retentit parmi les liards et fit ouvrir de grands yeux aux pauvres bonnes femmes de la chapelle Étienne-Audry. Un moment après, le grave et savant Robert Mistricolle, protonotaire du roi, passa avec un énorme missel sous un bras et sa femme sous l'autre, damoiselle Guillemette la mairesse, ayant de la sorte à ses côtés ses deux régulateurs, spirituels et temporels. « Enfant trouvé !» dit-il après avoir examiné l'objet. « Trouvé apparemment sur le parapet du fleuve Flégéto. On ne lui voit qu'un œil, observa demoiselle Guillemette. Il a sur l'autre une verrue. Ce n'est pas une verrue, reprit maître Robert Mistricolle. C'est un œuf qui renferme un autre démon tout pareil, lequel porte un autre petit œuf qui contient un autre diable, et ainsi de suite. Comment savez-vous cela? Demanda Guillemette la mairesse. Je le sais pertinemment, répondit le protonotaire. Monsieur le protonotaire, demanda Gauchère, que pronostiquez-vous de ce prétendu enfant trouvé? Les plus grands malheurs, répondit Mistricolle. Ah, mon Dieu, dit une vieille dans l'auditoire, avec cela qu'il y a eu une considérable pestilence l'an passé, et qu'on dit que les Anglais vont débarquer en compagnie à Harefleux. Cela empêchera peut-être la reine de venir à Paris au mois de septembre, reprit une autre. La marchandise va déjà si mal. Je suis d'avis, s'écria Jehanne de la Tarme, qu'il vaudrait mieux pour les manants de Paris que ce petit magicien-là fût couché sur un fagot que sur une planche. Un beau fagot flambant, ajouta la vieille. Cela serait plus prudent, dit Mistricolle. Depuis quelques moments, un jeune prêtre écoutait le raisonnement des Audriettes et les sentences du protonotaire. C'était une figure sévère, un front large, un regard profond. Il écarta silencieusement la foule, examina le petit magicien et étendit la main sur lui. Il était temps, car toutes les dévotes se léchaient déjà les barbes du beau fagot flambant. « J'adopte cet enfant, » dit le prêtre. Il le prit dans sa soutane et l'emporta. L'assistance le suivit d'un œil effaré. Un moment après, il avait disparu par la porte rouge qui conduisait alors de l'église au cloître. Quand la première surprise fut passée, Jehanne de la Tarme se pencha à l'oreille de la Gautière. « Je vous avais bien dit, ma sœur, que ce jeune clerc, M. Claude Frollo, est un sorcier. »